الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Après avoir montré des écarts et des égarements de Tariq Ramadan relativement à ses définitions du Tawhid, quand il veut expliquer la ilaha illallah et qu'il expose son ignorance quant à son sens véritable et de ce que cette formule recèle comme signification. Nous examinons à présent d'autres paroles de cette personne où il traite du tawhid et du shirk et qu'il évoque les notions de ar-rububiyya, monothéisme de seigneurie, et de al-uluhiyya, monothéisme d'adoration. En fait, chaque fois où il en parle, il affiche son ignorance incommensurable vis-à-vis de ses concepts de base. Nous rappelons ce constat et cette évidence amère. Celui qui ne comprend pas la croyance islamique, la aqida islamique, celui qui ne comprend pas la aqida, ne saurait comprendre l'islam. Allah Ta'ala dit dans son noble livre, « Fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik » Traduction rapprochée, « Sache que nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah et demande pardon pour ton péché. » Fin de la traduction du sens rapproché de ce verset. Aussi, les prophètes et les messagers avaient-ils dédié la plus grande partie de l'effort, du temps et de l'intérêt à enseigner la bonne croyance et à expliquer les formes de mécréance? Tous les prophètes avaient commencé par le tawhid, le monothéisme, et par la lutte contre son opposé qui est le shirk, le polythéisme. Ils avaient commencé avec, ils avaient continué avec, et ils avaient fini avec. La da'wa au tawhid ne s'était jamais arrêtée ni interrompue quand l'enseignement d'autres aspects de l'adoration se faisait également. Regardez les appels, les da'awats des messagers d'Allah, alayhim salam, Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Muhammad, alayhim salatu wassalam. Regardez les appels de ces messagers, pour ne citer que les messagers doués de la plus grande fermeté, ar-rusul ulul azm. Par quoi avaient-ils tous commencé? Tous. Par quoi avaient-ils tous commencé? Sur quoi avaient-ils tous insisté et mis l'accent? À quoi avaient-ils tous consacré le plus grand effort? Nuh alayhi salam passe 950 ans à appeler au tawhid. Ibrahim alayhi salam appelle son père Azar et son peuple a unifié Allah le Très-Haut. Moussa alayhi salam invite Pharaon à se soumettre à Allah, Seigneur des univers. Il ne lui dispute ni le pouvoir, ni la royauté. Et quand bien même le tyran Pharaon était noyé et mort, Moussa alayhi salam ne retourne pas pour s'accaparer du pouvoir. Il ne retourne pas au palais splendide. Il ne retourne pas gouverner et régner. Non. Moussa alayhi salam continue sur le chemin du tawhid. Il continue en direction du désert de Sinaï, qu'il choisit du vivant de Pharaon même. Il continue dans ce chemin pour enseigner le tawhid et mettre en garde contre le shirk. Isa alayhi salam appelle au tawhid, se fait connaître dès le départ comme un serviteur d'Allah. قال إني عبد الله. Il dit, Je suis le serviteur d'Allah. Et il enseigna aux fils d'Israël, Inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'buduh, hadha siratul mustaqim. Inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'buduh, hadha siratul mustaqim. Allah est mon Seigneur et il est votre Seigneur, adorez-le donc, ceci est un chemin droit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passe 13 années à la Mecque dans l'appel au Tawhid. Après quoi, il s'installa à Médine et continua à enseigner le monothéisme avec tous les autres aspects de la religion. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, avant sa mort, alayhi salatu wa salam, il avertit encore contre le shirk des tombes. لعنتullah على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة رضي الله عنها. Aïcha qu'Allah l'agrée rapporte qu'il dit que soient maudits les juifs et les chrétiens. Ils ont pris des lieux de culte là où étaient les tombeaux de leurs prophètes. Recueillis par les deux grands imams, Al-Bukhari et Muslim. C'est là un rappel très bref de cette da'wa des messagers et des prophètes, alayhim salam, et le détail de l'explication de cela se trouve dans de nombreux textes de Al-Qur'an Al-Karim et de la Sunna prophétique, au point que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, fit remarquer que tout le Qur'an est dans le thème du tawhid. القرآن كله في التوحيد. Arrêtons cette introduction ici et venons voir ce qu'est devenu la da'wa de tous les prophètes, la da'wa au tawhid, ce qu'elle est devenue chez quelqu'un comme Tariq Ramadan qui fascine beaucoup de gens à notre époque. Voyons voir ce qu'il y a derrière ces éclats, derrière ces lumières de caméra, derrière ses applaudissements. Écoutons-le parler de Tawhid al-Rububiyya et de Tawhid al-Uluhiyya. Et on va y venir parce que ce n'est pas simplement une formule théorique. Vous le savez, vous devez le dire, vous devez le répéter. Il est le signe que vous êtes musulman devant Allah SWT. Il est le signe que vous avez compris l'islam. Quand vous entrez dans l'islam, vous dites. Non pas simplement avec le bord de vos lèvres, mais de tout votre cœur. La ilaha illallah. Il n'est Dieu que Dieu, pas d'autre Dieu que Dieu. Ce qui est dit dans cette formule-là, parce qu'il faut bien la comprendre, qu'est-ce que veut dire le fait d'associer quelqu'un à Allah? C'est bien entendu ce que faisaient toutes les traditions polythéistes, toutes les traditions animistes, c'est de penser qu'il y avait plusieurs dieux, de prendre de Allah ta'ala la puissance et de la donner à d'autres. Ça, c'est le degré supérieur, le plus connu du shirk, le plus apparent. Dire, par exemple, il y a plusieurs dieux. Dire, comme on dit, certains, Dieu est trois, non pas comme les chrétiens aujourd'hui le traduisent, parce que beaucoup de chrétiens traduisent l'unicité, pensent qu'il y a un Dieu unique, mais ils ont une formule, la Trinité, qu'ils traduisent comme un mystère, que pour nous, nous refusons. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas simplement de comprendre la première dimension du Tawhid. Le Tawhid qui est effectivement la ilaha illallah et que les savants ont traduit de deux façons. Ils ont dit il doit y avoir une double compréhension chez chaque croyant du Tawhid. Il y a la dimension de savoir que Allah est unique, tout seul. et que ceci c'est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de Dieu en tant qu'il est unique, et que vous avez dans Sourate al-Ikhlas, Bada'ouz Bidman al-Shaytan al-Rajim, Bismillah al-Rahman al-Rahim, Ukhu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Dit que Dieu est un et absolu, il n'engendre pas, il n'a pas engendré, nul ne lui est égal, n'est-ce pas? Cette formule fondamentale qui est de dire Allah subhanahu wa ta'ala en tant que tel, il est au-delà de tout, il est unique. Mais les savants ont dit également que par rapport à Tawhid al-Rububiyya, il y a le Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire la formule La ilaha illallah, et qui est l'adoration de l'unique, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous, dans sa vie avec Allah subhanahu wa ta'ala, dit et vit pour l'unique, et qu'il dit à tous ceux qui ne croient pas comme lui, que lui ne partage pas leur foi. Et vous avez pour ceci la meilleure expression dans le Coran, par la rouge de l'aide du chef d'un arrangement, c'est le je n'adore pas ce que vous adorez, et vous connaissez la suite. Et donc, ce qui nous est dit ici, vous avez à savoir que Dieu est un, et vous avez à adorer Dieu dans l'unicité. Toute notre vie est là. Ça, c'est la première des dimensions. Et pourquoi c'est cette dimension sur laquelle fondamentalement va se baser non seulement notre vie, mais notre liberté. Écoutez-moi bien, notre liberté passe par l'affirmation de Tawhid. Parce qu'en disant « La ilaha illallah » et en disant « La hawla wa la quwwata illa billah » quand on dit qu'il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu, nous disons mêmement à tous ceux qui sur la terre veulent prendre un pouvoir qu'il y a un être qui a le pouvoir plus que leur pouvoir. En d'autres termes, pour nous, la première dimension du shirk, c'est effectivement de dire il y a un Dieu à côté de Dieu, et on n'en veut pas. Mais il y a une deuxième dimension du shirk, c'est de savoir que quand nous disons Allahu Akbar, comme vous le dites, non pas comme un slogan, mais comme le plus grand des sens. Est-ce que vous savez que quand vous dites Allahu Akbar, vous êtes en train de dire Dieu, virgule, le plus grand. Il est le plus grand. Et en face de tous les pouvoirs de la terre, vous dites à tous les pouvoirs, au-delà de votre pouvoir, il y a un pouvoir, celui du maître de tous les pouvoirs, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le deuxième type de shirk qui est très grave, c'est celui justement d'oublier la dimension du pouvoir, non pas simplement d'oublier la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala un et unique, parce que certains disent la ilaha illallah, mais quand ils sont en face d'un pouvoir, ils en ont peur, et ils oublient ce qu'ils doivent à Dieu par crainte de ce, du pouvoir des hommes. Et ça, c'est du shirk. Quand tu commences à avoir peur du pouvoir d'un homme en oubliant le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point que tu finis par accepter par un homme ce que Dieu t'interdit, alors tu commets le shirk. Ce n'est pas simplement de dire il y a un autre Dieu. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Il suffit également de comprendre que Tawhid al-Uluhiyya, c'est de te libérer de tout pouvoir humain pour reconnaître le pouvoir divin. Et ça, c'est une dimension très importante. Je vous promets que dans notre communauté, dans le monde entier, nous serions moins dans la situation dans laquelle nous sommes s'il y avait des êtres plus courageux et qui aient compris vraiment ce que veut dire le Tawhid, qui disent à tous les dictateurs, qui disent à tous les maîtres qui croient avoir le pouvoir absolu, qu'au-delà de ton pouvoir, il y a un pouvoir. Tu peux me tuer, me torturer, mais il y a un Dieu qui saura te juger. Cet extrait est un échantillon qui montre la confusion de cet homme quant au fondement de base de l'islam qui est le Tawhid. Nous n'allons pas nous attarder sur son explication de la ilaha illallah, puisque nous l'avons déjà souligné. Mais, puisque cela apparaît encore ici, cela confirme que pour lui, La ilaha illallah signifie, je cite, il n'est de Dieu que Dieu, pas d'autre Dieu que Dieu. Fin de citation. Partant, il est indéniable que sa perception de la ilaha illallah est incorrecte. Et c'est chose vraiment étrange qu'une personne ne comprenant presque rien au fondement de l'islam ose parler de la religion d'Allah. Et c'est regrettable aussi que des gens donnent de l'importance à ce qu'il dit, comme si c'était une explication de l'islam, alors que ce qu'il fait n'est pas moins qu'une propagande contre la religion d'Allah Ta'ala. Ensuite, il pose la question sur le shirk, et il prétend que les polythéistes, je cite, pensaient qu'il y avait plusieurs dieux. Fin de citation. Ceci est faux. Comme nous l'avons précédemment rappelé, les polythéistes ou les associateurs ne pensaient pas ainsi. Allah Ta'ala nous informe qu'ils étaient mushrikin, qu'ils étaient associateurs, pour n'avoir pas unifié leur adoration exclusivement pour Allah. Non pas qu'ils sont mushrikin, nous allons mentir à leur égard et dire qu'ils pensaient qu'il y avait plusieurs divinités sur terre qui géraient le monde. Ceci n'était pas le cas, au moins pendant l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est attesté par plusieurs versets dans le Coran Karim. Allah Ta'ala nous informe qu'ils étaient mushrikin, qu'ils étaient associateurs, pour n'avoir pas unifié leur adoration exclusivement pour Allah. Par exemple, ils demandaient secours à Allah et aussi auprès des créatures. Et ils faisaient même la distinction en ne demandant qu'à Allah en situation de crise et d'urgence. Ils faisaient cette distinction. Allah Azza wa Jal avait dit dans son noble livre, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Sourate Al-Ankabut, Al-Aya 65. Traduction rapprochée. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement le culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de mer en les ramenant sur terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Surat l'araignée, verset 65. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, « وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا » Al-Isra, Al-Aya 67. Traduction rapprochée. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent, c'est-à-dire vous les oubliez complètement, se perdent. Puis, quand ils vous sauvent et vous ramènent à terre, vous vous détournez. L'homme demeure ingrat. Surat, le voyage nocturne, verset 67. En outre, Allah nous avait révélé qu'il témoignait du stade de Ar-Rububiyya, la seigneurie. Alors que leur problème se situait au niveau de Al-Uluhiyya, l'adoration et la servitude pour Allah Azza wa Jal. Allah dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ Az-Zukhruf, Al-Aya 9. Traduction rapprochée. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement, c'est le Tout-Puissant, l'Omniscient qui les a créés. Sourate l'Ornement, verset numéro 9. Ceci dit, avec l'ignorance qui devient de plus en plus opaque chez certains, il y a des gens qui commettent du shirk sur le plan de Ar-Rububiyya, croyant par exemple que des saints gèrent ce monde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cela se trouve chez les soufis extrêmes qui pensent que leur maître, qu'ils appellent Aqtab et Awtad, dispose de ce monde et le gère en partage ou non avec Allah. Et la même forme de mécréance à ce niveau de Ar-Rububiyya se retrouve chez les chiites imamites qui croient que ce bas monde et parfois l'au-delà aussi sont gérés par des personnes de Ahlul Bayt et par des imams infaillibles. Mais Tariq Ramadan généralisait déjà pour les époques anciennes en imputant ce genre d'associationnisme de Ar-Rububiyya à, je cite, à toutes les traditions polythéistes, toutes les traditions animistes. Fin du propos visé dans la citation. Par la suite, il a évoqué le cas ou l'exemple des chrétiens, chose que nous délaissons pour le moment, pour en parler plus amplement dans un document à part où l'on examinerait, incha'Allah ta'ala, ces confusions vis-à-vis des religions falsifiées qui furent touchées par les hommes, à savoir le christianisme et le judaïsme. Puis Tariq Ramadan parle de deux niveaux, Ar-Rububiyya, la seigneurie, et Al-Uluhiyya, la servitude et l'unicité d'adoration. Il parle de ces deux niveaux, signalant d'abord qu'il a occulté complètement le troisième niveau, qui est celui de Al-Asma wa Sifat, les noms et les attributs. Et certes, l'associationnisme peut toucher chacun de ces trois plans. On ne voit donc nullement pourquoi Tariq Ramadan omet d'évoquer le plan des noms et attributs, sachant que les savants de l'islam avaient subdivisé le monothéisme en trois catégories et non pas en deux. Et non pas en deux selon cette division, alors qu'il y a une autre division en deux parties, Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat wa Tawhid al-Qasd wa-Talab. Mais selon la taxonomie citée par Tariq Ramadan, Ar-Rububiyya et Al-Uluhiyya, on doit citer le troisième plan qui est Al-Asma' wa-Sifat. Et quand il était venu à définir Ar-Rububiyya, il invente une définition de son sac et qui ne traduit pas la notion de Ar-Rububiyya. Il dit, il y a la dimension de savoir qu'Allah est unique et tout seul et que ceci est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah en tant qu'il est unique. Regardez bien cette phrase. L'unicité d'Allah en tant qu'il est unique. Et que vous avez dans la surat al-Ikhlas. Fin de la citation. Je répète sa citation. Il dit, il y a la dimension de savoir qu'Allah est unique et tout seul et que ceci est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah en tant qu'il est unique et que vous avez dans la surat al-Ikhlas et il a cité la surat al-Ikhlas. Fin de citation. Ceci est une définition bien entendu ambiguë et insuffisante de la notion de al-Rububiyya. À vrai dire, cette définition ne nous apprend rien, sinon que Tariq Ramadan raffole des tautologies et du bavardage sans rien ajouter à la compréhension de son interlocuteur. Il dit l'unicité d'Allah en tant qu'il est unique. Ceci est une tautologie notoire. Puis il passe à parler de Al-Uluhiyya. Et il reste fidèle à sa méthode de parler sans rien dire, et surtout parler de choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Il est très téméraire pour parler sur Allah sans science, al-qawlu ala Allah bi ghayri ilm. Il ose parler des choses de religion alors qu'il n'est pas qualifié, alors que peut-être il n'a pas ouvert des livres de aqidah. À ce qui semble, puisqu'il ignore ces choses élémentaires que tout musulman doit savoir, il doit connaître son tawhid, etc. Il doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Lui, il parle de choses qui montrent son ignorance flagrante et remarquable. Et ici, il parle de la catégorie de Al-Uluhiyya et il n'a pas froid aux yeux de la définir de son propre sac. Voici ce qu'il en dit. Tawhid Al-Uluhiyya, c'est-à-dire la formule La ilaha illallah, et qui est l'adoration de l'unique. C'est-à-dire comment chacun d'entre nous, dans sa vie avec Allah subhanahu wa ta'ala, dit et vit pour lui, et qui dit à tous ceux qui ne croient pas comme lui, que lui ne partage pas leur foi. Et il cite la sourate de Al-Kafirun, qu'il comprend selon sa guise, conformément à sa passion, passion d'Ikhwani, dénuée de Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. Et peut-être reviendrons-nous, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur cette question de Al-Wala wal-Bara chez lui, dans un document réservé à ce point. Il résulte de cela que l'homme est inapte à définir At-Tawhid, à l'expliquer, il est incapable de concevoir ces trois catégories, qu'il réduit à deux et qu'il embrouille de ses incohérences et imaginations. Et finalement, il détourne le sens de la ilaha illallah pour le confiner en un sens d'opposition au pouvoir, opposition au régime, et apparaît là encore l'obsession de tout Ikhwani par la question du pouvoir. L'obsession de tout Ikhwani par la question du pouvoir, au point qu'il n'hésite pas à expliquer la ilaha illallah comme une résistance à un pouvoir ou à un régime, chose qui est fausse. Allah tabaraka wa ta'ala avait créé les djinns et les hommes pour une finalité plus grande que celle de militer ou de se révolter. Allah ta'ala nous enseigne dans son noble livre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici donc quelques remarques rapides que nous avons faites en commentaire de cette citation de Tariq Ramadan. Nous implorons Allah qu'il le guide vers le vrai et qu'il sauve aussi, subhanahu wa ta'ala, les jeunes et les débutants, qu'il les sauve de ces charlatans de la pensée et des médias, qui éloignent les gens des savants et du savoir et qui les occupent de phraseologie creuse et de bavardage insignifiant. Après ce commentaire, nous jugeons utile de rappeler la définition des trois catégories du monothéisme. Nous disons donc Tawhid al-Rububiyya, le monothéisme de seigneurie, consiste à ce que nous unifions Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Tawhidullahi bi af'alih, unifier Allah par ses actes à lui, subhanahu wa ta'ala. Ses actes comme la création, la possession et la gestion. Al-khalq wal-mulk wal-tadbir. Allah a créé toutes choses. Il est le possesseur et le détenteur de toutes choses, de tout ce qu'il y a dans cet univers, et il gère tous ces univers d'ici-bas et de l'au-delà. C'est un peu la définition de Ar-Rububiyya. On unifie Allah Azza wa Jal par ses propres actes à lui. Deuxième plan, Tawhid al-Uluhiyya ou Tawhid al-Ubudiyya, le monothéisme d'adoration ou de servitude, consiste à unifier Allah Jalla wa Ala par nos actes d'adoration. Tawhidullahi bi af'alina nahnu. Nos actes d'adoration, comme l'invocation, ad-du'a, comme l'immolation, ad-dhabh, comme la salat, la prière, comme le jeûne, as-siyam, comme al-istighatha, le fait de demander secours à Allah Azza wa Jal, comme aussi al-isti'ana, de demander l'aide d'Allah seul, etc. Donc, les adorations sont multiples, Donc on unifie Allah subhanahu wa ta'ala par nos propres actes. Troisième plan, Tawhid al-Asma'i wa Sifat, et qui consiste à croire aux noms et attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même dans son noble livre, et aussi ceux par lesquels son messager sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrit dans la sunna. Nous croyons en ce qu'il signifie, sans entrer dans le comment, comme Allah ta'ala nous avait enseigné par ce fragment de verset par exemple. « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir » Surat Ash-Shura, l'ayah 11. Traduction rapprochée. Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient, le clairvoyant. Surat la consultation, verset numéro 11. Il a affirmé des noms qui ont un sens connu pour nous, et qui renvoient à des attributs respectifs. Il a cité ici qu'il est audient et qu'il est clairvoyant. Ce sont des noms, et qui donnent des attributs respectifs. Mais aussi, Allah Azza wa Jal a signifié de ne pas leur chercher, des semblables dans les créatures. Laysa kamithlihi shay. Donc nous, on affirme ce que Allah avait affirmé pour lui-même et ce que son messager avait affirmé de lui. Et puisque Tariq Ramadan ne désavoue pas l'héritage empoisonné que lui a légué son grand-père Hassan al-Banna, nous rappelons quelques faits qui montrent l'égarement de celui-ci aussi, c'est-à-dire de Hassan al-Banna, dans le sujet de At-Tawhid et celui de Ash-Shirk, qu'il ignorait aussi. Hassan al-Banna ignore At-Tawhid et Shirk comme Tariq Ramadan l'ignore aussi. Hassan al-Banna s'est exprimé par des vers de poésie contenant la croyance fausse de Wahdatul Wujud, l'unité d'existence. Hassan al-Banna a fêté la venue de Muhammad Uthman al-Marghini, qui était un gourou connu par la aqida de Wahdatul Wujud. Hassan al-Banna s'est exprimé par des vers accordant au prophète le rôle de pardonner aux serviteurs. Hassan al-Banna a animé une conférence dans le marabout de Sayyida Zainab en Égypte, auprès de la tombe, objet du shirk, pour des milliers de personnes en Égypte et de l'extérieur même de l'Égypte. Donc il était en train d'animer une conférence près de cette tombe de Sayyida Zainab. Donc il a animé une conférence dans ce marabout, sans parler du shirk, Wallahu al-Musta'an. Hassan al-Banna faisait 20 km d'aller et 20 km de retour à pied, les vendredis, vers les tombes de Ad-Dasouqi et de Sinjir. Et ceci est une visite soit d'associationnisme, soit d'innovation, ziyara shirkiya ou bid'iya. Hassan al-Banna entreprit de rapprocher entre sunnites et chiites, comme si on pouvait mettre ensemble l'eau et le feu, comme si on pouvait joindre le vrai et le faux, comme si on pouvait joindre l'islam, qui est la religion vraie, et le chiisme, qui est une autre religion. Hassan al-Banna qualifiait sa da'wa sectaire comme étant une da'wa salafi et une vérité soufie. Et cela lui vient peut-être de l'ignorance de la vérité de la salafia et de son ignorance de l'égarement du soufisme. Hassan al-Banna prenait allégeance de ses membres ou des membres de ses hizb, et il leur enjoignait d'obéir à ses ordres comme autant d'obligations. Et ceci relève de la tyrannie, du despotisme et de la dictature. Hassan al-Banna inventa 20 fondements, al-usul al-ishroun, sur lesquels il insistait parmi tout ce qu'il y a dans l'islam. Hassan al-Banna prétendait que la voie des salafs consisterait à faire tafouid, tafouid vis-à-vis des sens des attributs, tafouid ma'ani sifat, alors que les salafs croyaient au sens et ne faisaient le tafouid que du comment. On ne fait le tafouid que du comment, que nous ne pouvons pas savoir. On ne peut pas savoir le comment des attributs. Hassan al-Banna prétendait qu'il n'y a pas entre nous, musulmans, et entre les juifs, les koufars, les juifs, qu'il n'y a pas entre nous et eux une animosité religieuse, une haine religieuse. Hassan al-Banna prêchait la règle pourrie de At-ta'awun wal-ma'dira, s'entraider dans les points d'accord et s'excuser mutuellement quant aux points de divergence. Hassan al-Banna incitait au bid'ah, en témoigne qu'il animait la bid'ah de Al-Mawlid et qu'il donnait une conférence au mois à cette occasion. Hassan al-Banna considérait le tawassul par les personnes pieuses mortes comme étant un détail qui ne doit pas prendre de l'importance. Or, c'est un point qui peut engendrer du shirk. Et ces remarques que nous avons recueillies à propos de Hassan al-Banna sur le thème de At-Tawhid et de Shirk sont extraites du livre de Sheikh Abu al-Hussein Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah, intitulé Radd al-Jawab ila man talaba minni adama tabi' al-kitab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.